Avant d'écouter votre podcast, Écosystème nous suggère de faire le vide. Et oui, durant ces deux mois d'été, l'éco-organisme Écosystème nous propose de libérer de nos placards, caves et greniers tous nos appareils électriques hors d'usage pour les recycler. Toutes les solutions de recyclage sur écosystème.fr. Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. XXIe épisode, TSF. Nous sommes à la veille du vendredi 13 janvier. Cette date ne vous dit rien ? Mais si, rappelez-vous. C'est le vendredi 13 janvier que Pagano, Ravenel, Lord Buridan et leurs amis ont fixé comme date pour le départ des yachts La Revanche et l'Ariel. C'est demain que commence la grande expédition qui leur permettra de délivrer le professeur Bondenat et de détruire l'île des Pendus, le repère de la Main Rouge. Aujourd'hui jeudi, nous sommes à Vancouver. Il fait nuit. Il souffle un vent glacé. Et il tombe une pluie fine sur le port que recouvre un épais brouillard. Mais quelles sont donc ces étranges silhouettes qui glissent furtivement le long des quais déserts? Ce qui fait froid ici. Avec cette brume, on va même pas les pieds. C'est quel quai ici? Quai 12. Alors on est presque arrivé. Quand même, je demande un peu où on va. Tout ça me semble bien mystérieux. Oh, vous oubliez, monsieur Goliath, que c'est grâce à notre ami Oscar que Lord Buridan nous a engagés dans cette affaire. Et vous savez très bien que nous pouvons faire confiance à Oscar, non? Je veux bien, mademoiselle Régine. Quand même, on aurait pu venir en voiture au lieu de nous cacher ainsi dans la nuit, comme des voleurs. Nous aurions eu moins froid. Oui, c'est vrai. Je boirais bien un petit coup de gin pour me réchauffer. Tu n'as pas emporté une gourde de voyage, petite Régine? Oh, un peu de patience, monsieur Sleary, vous boirez tout à l'heure. Halt, c'est ici. On va attendre longtemps, vous croyez? Quelle heure est-il? Presque minuit. Non. C'est l'heure. On ne devrait pas attendre. Vous avez la lanterne électrique. La voici. Ils nous ont dit de l'allumer et de l'éteindre trois fois de suite. Allez-y. Voilà. Je me demande si nous verrons à travers ce brouillard. Oh, regardez là-bas sur la mer, le signal. Ils nous répondent. Une fois, deux fois, trois fois. Ouais, ils nous ont vus. Oh, eh bien, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils viennent nous chercher. Tenez. Écoutez. Les voilà. Ouais, Oscar. Oscar. Vite, que tout le monde embarque. Enfin, surtout, faites pas de bruit, hein. C'est très important, faut que personne nous voie. Bienvenue à bord de l'Ariel, mes amis. Une collation vous attend dans ce salon. Pendant que vous prendrez un grog bien chaud, ce qui n'est pas une précaution inutile par ce terrible brouillard, je vous expliquerai le but de ce voyage qui doit vous sembler à tous bien mystérieux. Ah, oui. Mais alors, oui. Je crois en effet qu'un grog bien chaud est une précaution indispensable. Bien sûr, monsieur Sleary, bien sûr. Mais nous vous écouterons, Milord. Eh bien, je n'ai pas l'habitude d'y aller par quatre chemins. Vous êtes tous au courant de mes aventures et Oscar vous a déjà expliqué comment j'ai réussi à m'évader de l'île des Pendus, le repère de la main rouge, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors, vous savez aussi que ces bandits y retiennent toujours prisonnier le célèbre professeur Prosper Bondona, l'ancien protecteur de votre ami Oscar. Eh bien, mes amis, je me suis juré de délivrer M. Bondona et d'exterminer les bandits de l'île des Pendus. C'est dans ce but que j'ai fait construire, dans le plus grand secret, ce yacht sur lequel vous vous trouvez. L'Ariel est monté par 80 hommes d'équipage et il est formidablement armé. Si je comprends bien, vous nous avez engagés pour... C'est ça, oui, mais mes amis, en effet. J'ai eu l'idée d'utiliser vos talents d'acrobate pour faire le siège de la capitale de la Main Rouge. C'est à vous de me dire maintenant si cette entreprise vous convient. Bien évidemment, ceux qui hésiteraient à m'accompagner n'ont qu'à le dire. Ils seront immédiatement reconduits à Vancouver après avoir, comme cela est légitime, touché l'indemnité convenue. Alors, Milord, je crois que personne ne me contredira, mais je suis sûr que nous sommes tous prêts à vous suivre partout où il vous plaira de nous conduire. Vous dites qu'il y a des dangers, bien tant mieux. Nous sommes des artistes et nous aimons les entreprises nobles et aventureuses. Vous voyez, tout le monde est d'accord. Mes chers camarades, j'en attendais pas moins de votre courage. Je sais que vous soutiendrez l'antique renommée du Gorille Club, dont nous sommes tous fiers de faire partie. Il faudra que la garnison de l'île des Pendus soit drôlement forte pour résister au Gorille Club. On est déjà parti. Oui, je viens d'en donner l'ordre, mes amis. L'Ariel est maintenant en route pour l'île des Pendus. Et je crois que nous avons réussi, grâce à toutes les précautions que j'ai prises, à échapper aux espions de la Main Rouge. Oui, j'ai fait annoncer dans les journaux que je me rendais en Angleterre. J'ai même fait prendre en mon nom un billet sur un paquebot de New York. Enfin, depuis 8 jours, personne ne m'a vu. Maintenant, je suis sûr de les avoir dépistés. Ce qui n'est peut-être pas le cas de la revanche. La revanche? Ah bah oui, c'est vrai, vous ne le savez pas encore, mais nous ne sommes pas seuls à tenter cette expédition. Demain, vendredi 13 janvier, partira de San Francisco un yacht plus puissant et mieux armé que celui-ci, la Revanche. Il a été armé par le milliardaire Fred Jorgel et doit rester, grâce à la télégraphie sans fil, en constante communication avec nous. Bien, vous comprenez maintenant la raison pour laquelle je n'ai pas voulu emmener deux dames, mais... J'en vois une pourtant qui a trouvé bon de s'embarquer en fraude. Oh, Milord, pardonnez-moi, mais je n'ai pas voulu me séparer de la troupe. Et puis, vous savez, je passe pour une bonne écuyère, je pourrais peut-être rendre des services. À défaut, je pourrais toujours servir d'infirmière s'il y a des blessés. Eh bien, espérons qu'il n'y en aura pas. Enfin, puisque vous êtes à bord... De toute façon, maintenant que l'Ariel est en marche, ce serait bien difficile de renvoyer Mademoiselle Régine. Ouais, sacré Oscar, hein. Venez, entrez, Mademoiselle Régine. C'est le poste de télégraphie sans fil. Ah. Ouais, vous voyez ce bouton, là? C'est avec ça qu'on envoie les messages en morse. C'est comme ça que les bateaux communiquent entre eux. Et ça marche comment, le morse, monsieur Oscar? Par signaux sonores, écoutez. Vous connaissez le morse? Oh, mais vous savez tout faire, monsieur Oscar. Et qu'est-ce que ça veut dire? Oh, vous voulez pas me traduire? Oh non, je ne serai jamais. Non, c'est impossible. Oh, mais qu'avez-vous, mon cher Oscar? Dites. Vous savez bien que je suis votre amie, non? Ah oui, une amie, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous pouvez me donner de plus que votre amitié, Régine? Je suis laid, chétif, contrefait. Mais qui peut aimer un bossu? Qu'est-ce qui peut m'aimer, moi? Mais Oscar, vous êtes adoré par tout le monde. Moi, par exemple. Pensez-vous que je ne vous aime pas? Ah oui, bien sûr, mais vous m'aimez comme une amie, comme une sœur. Mais pas comme je voudrais, Régine. Mais qu'en savez-vous? Vous avez tellement de qualités. J'ai pour vous tellement d'affection, de... Oh, Régine, vous comprenez pas. Je sais que vous m'aimez bien, mais je sais aussi, malheureusement, que vous accepteriez jamais de vous marier avec moi, alors... Mais Pourquoi pas, Oscar ? Origins, c'est vrai ? Mais alors vous... Oh, Oscar... Oh ! Oh, Régine ! Oh, ma chère Régine, oh, tout à l'heure en morse, vous saviez ce que je vous disais ? Non ! Eh ben, je vous disais, je vous aime ! Qu'est-ce que c'est ? On appelle l'Ariel, il faut tout de suite que je prévienne Lord Buridan. Alors, c'est bien un message de la revanche ? Non, c'est Fred Yorgel qui nous appelle de San Francisco. Pour nous annoncer que la revanche a quitté le port il y a une heure. Comme convenu, il se dirige vers le sud, afin de tromper la main rouge. Attends. Oui. Équipage discipliné. Passager, revanche. On chargé Fred Yorgel. Transmettre vœux de réussite de la part de Roger Ravenel, Antoine Pagano, Agénor Marmousier, André de Beaubreuil, Frédéric Bondona. Courage, signé Harry Dorgan, Fred Yorgel. Voilà, terminé. Mais Harry Dorgan n'est donc pas sur la revanche ? Mais non, Oscar, il n'y a que vos amis français à bord. Bon, eh bien, je vais répondre tout de suite à Fred Yorgel. Et pourquoi ne télégraphiez-vous pas directement à nos amis sur la revanche ? Surtout pas, Oscar. Nous avons décidé de ne communiquer que lorsque la revanche serait suffisamment près de l'Ariel. Oui. Et il faut prendre le plus de précautions possible afin que nos messages ne soient pas interceptés par les postes pirates de la Main Rouge. En quelques jours seulement... Tiens, il nous rappelle déjà. Voyons ça... Oh, ça alors ? Que se passe-t-il, Miller ? Vous avez l'air inquiet. Attends. Oh, ça y est. La main rouge est déjà au courant de nos projets. Mais c'est impossible, voyons. Mais comment Fred Yorgel l'a-t-il appris ? Mais ce n'était pas Fred Yorgel qui appelait. Nous avons intercepté au passage un message de la main rouge, Oscar, à l'île des pendus, oui. Oh. Malheureusement, ce n'était que la fin du message. Tiens, regarde. Mettez l'île en état de défense. Doublez sentinelle. Visitez Torpille. Île des pendus peut être attaquée. Méfiez-vous. Ça alors, mais comment peuvent-ils être au courant ? Ah, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû en parler à Steffel, le chef de la police. Tout le monde sait qu'à New York, les hauts fonctionnaires de l'administration sont loin d'être incorruptibles. Il faut tout de suite prévenir nos amis, non ? Oui, tu as raison, Oscar, tu as raison. Nos précautions ne servent plus à grand-chose maintenant. Je les appelle tout de suite. Ah oui ? Voilà. J'appelle la revanche. Pas de réponse. Je recommence. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font sur la revanche ? Ils sont sourds ou quoi ? Ils ne répondent pas. Ça commence à devenir inquiétant, tu ne trouves pas ? Capitaine Slug, le poste de télégraphie n'est toujours pas réparé ? Pas encore, monsieur Pagano. C'est bien long, je trouve. La vergue qui est tombée sur ma cabine a faussé presque tous les appareils, mais rassurez-vous, on s'en occupe. Alors, ces dames sont-elles satisfaites de leur traversée ? Mais oui, très satisfaites, capitaine. Cette croisière commence vraiment très très bien. Et il fait un temps vraiment splendide. N'est-ce pas ? Eh bien, si vous me le permettez, je vais me retirer. Je vois le capitaine Knox qui me cherche. Veuillez m'excuser, mais au mariage, mesdames. Ouais, nom de Dieu, j'arrive à un moment. Mon Dieu, quel langage. C'est un vieux loup de mer, chère mademoiselle André. Il faut lui pardonner. Oh, moi, je le trouve drôle. C'est vraiment le portrait typique du vieux loup de mer. En plus, j'adore les histoires qu'il nous a racontées à table à midi. Pas vous, monsieur Agénor ? Oh, c'est vrai, il est passionnant. En tant que poète, j'en serais presque jaloux. Et en plus, il m'a l'air très compétent et les hommes qu'il a choisis sont de solides gaillards. Hein ? Qu'en pensez-vous ? Oui, ils ont tous de bonnes têtes basanées de loup de mer. Oui, oui. Je crois vraiment qu'on peut leur faire confiance. Le seul qui m'inquiète un peu, c'est le second, le capitaine Christian Knox. Celui-là a une vraie tête de pirate, non ? Oh, mais enfin, Roger, c'est monsieur Edward Edmond qui nous l'a recommandé. C'est vrai. On peut lui faire confiance. Au fait, André, es-tu contente de la femme de chambre qu'il t'a trouvée ? Mercedes ? Oh, mais oui, elle est merveilleuse. Elle fait son service d'une façon parfaite. Et avec beaucoup de gaieté, je l'aime bien. En tout cas, elle ne semble pas avoir froid aux yeux. Pourquoi dis-tu cela ? Eh bien, elle fait de l'œil à tous les marins. Tu n'as pas remarqué ? Il faut dire qu'elle a des yeux qui brasillent comme des charbons d'enfer sous ses grands cils de velours noir. Oh, Roger ! Voyons, Frédéric, je plaisante. Entrez. Oh, monsieur Edward Edmond. Mes hommages, mademoiselle Frédéric. Excusez-moi de vous déranger si tôt le matin, mais il fallait absolument que je vous voie seule. Et en particulier. En particulier ? Mais de quoi s'agit-il ? Vous savez que M. Fred Urgell a pour moi une certaine estime. Et qu'il m'a spécialement chargé de veiller au bon ordre du bord, et en particulier à la bonne tenue du personnel. Je dois reconnaître que la conduite du personnel est absolument parfaite. Non, justement. J'en suis désolé. Voilà. La conduite de Mercedes, la femme de chambre de mademoiselle de Maubreuil, est absolument scandaleuse. Elle a des allures un peu vives, peut-être, mais je sais que mon amie en est très satisfaite. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi vous vous adressez à moi. Vous devriez plutôt en parler à mon ami André. Non. C'est bien vous que cette affaire intéresse. Moi ? Mais pourquoi, mon Dieu ? C'est bien vous qui êtes fiancée à M. Ravenel, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que M. Ravenel vient faire dans cette histoire ? Allez-vous vous expliquer, enfin ? Eh bien, voilà. Vous savez que cette Mercedes fait de l'œil à tous les marins. Eh bien, hier soir, je l'ai surprise avec l'un d'eux. Mais enfin, en quoi cela me regarde-t-il, encore une fois ? Attendez, j'y arrive. Ils se sont disputés. Le marin a sorti son couteau. Et si M. Ravenel n'était pas intervenu, cela aurait pu très mal se terminer pour Mercedes. M. Ravenel est intervenu, dites-vous ? Oui, mademoiselle. Il a désarmé le marin et a porté secours à Mercedes. Et celle-ci, pour prouver sa reconnaissance, sans doute, a fait semblant de s'évanouir, s'est pendue à son cou, puis l'embrassait. Et même que M. Ravenel a eu l'air d'avoir beaucoup de mal à s'en libérer. Mais c'est ignoble ce que vous me racontez là. Je suis sûre que M. Ravenel n'a jamais embrassé cette fille. Mais mademoiselle, je n'ai pas dit que M. Ravenel avait embrassé cette fille. Non, j'ai dit que c'est Mercedes qui a embrassé M. Ravenel. C'est bien, M. Edward Edmond, je verrai M. Ravenel. Mais je suis sûre qu'il a fait ce qu'il devait faire. Ne trouvez-vous pas, mademoiselle, qu'une fille comme ça ne peut pas demeurer au service de mademoiselle de Maubreuil ? Qu'il vaudrait peut-être mieux la reléguer dans les cabines du personnel, au moins là. Je pourrais la surveiller. Je ne me permettrai pas de vous donner un conseil, mais je ne sais pas, moi, on pourrait peut-être trouver un prétexte et ne rien dire à M. Ravenel. Mais que voulez-vous insinuer par là ? Craignez-vous donc que M. Ravenel prenne la défense de cette fille ? Non, mademoiselle. Quand cela suffit, M. Edmond ! Je ne veux plus entendre parler de cette histoire, vous m'entendez ? Vous pouvez vous retirer ! Allez ! Mais allez ! Oh, je ne m'aime pas. Je me trouve avec cette fille. Je suis sûre que ce coquin d'Irlandais ne m'a pas tout dit. Il est vrai que cette Mercedes est ravissante. Et maintenant que j'y repense, Roger n'a pas l'air insensible à son charme. Il la regarde tout le temps. Ah, j'ai envie de Eh bien, ma chérie, on vous attend. La cloche du déjeuner a sonné. Mais vous pleurez. Mais qu'avez-vous? Ma chérie, voyons. Ah non. Mais... non, non, ne m'approchez pas. Si vous avez besoin d'embrasser une femme, Mercedes ne demandera sûrement pas mieux. Mercedes? Ma chérie, mais pourquoi est-ce qu'ils iraient embrasser Mercedes, voyons? Il me semble qu'hier soir, sur le pont, vous ne vous en êtes pas privé. Je vous assure, Frédéric... Ah, ne dites pas le contraire. Vous l'avez embrassée, je le sais. Vous la teniez même serrée dans vos bras. Mais allez donc dire que c'est pas vrai, si vous l'osez. Si, Frédéric, si c'est vrai, vous mais... Vous voyez, vous avouez en plus de cela. Je ne resterai pas une minute de plus sur ce bateau. Je vais tout de suite... Frédéric, écoutez-moi. Écoutez-moi et calmez-vous. Il est vrai qu'hier soir, je tenais Mercedes, mais pas dans mes bras. Comme il vous a été faussement rapporté, je la soutenais, simplement. Car elle allait s'évanouir. Ou plutôt, elle faisait semblant de s'évanouir. Ah, mais oui, en effet. Mais c'est elle qui a essayé de m'embrasser, pas moi. Je lui ai porté secours au moment où le capitaine Knox l'a renversée sur le pont. Mais en fait, elle aurait été très bien capable de se défendre toute seule. Car elle avait un stylet à la main. Un stylet? Oui, ma chérie. En fait, c'est une curieuse fille. Et je voulais justement vous en parler aujourd'hui, à vous et à André. Et en tous les cas, je vous jure que je n'ai rien à m'approcher. Rien. Vous m'entendez? Oh, Roger. Ah. Oh, que j'étais malheureuse. J'étais persuadée que vous étiez l'amant de Mercedes. Que ce soit volontairement ou non qu'elle vous ait embrassé, je ne veux pas la revoir, en tout cas. Et je ne veux pas que vous la revoyiez. Jalouse, ma chérie. On est jaloux que de ce que l'on aime, non? Vous m'aimez donc un peu? En doutez-vous? Allons. Venez, nous allons expliquer tout cela à André, qui la mettra à la porte elle-même. Oui, entrez. Mademoiselle m'a fait demander? Oui, Mercedes, en effet, je vous ai fait demander. Je suis désolée, Mercedes, mais... je vais devoir me priver de vos services. Mademoiselle est donc pas contente de moi? Si, Mercedes, très contente. Mais... enfin... après la scène qui s'est passée hier soir avec Monsieur Ravenel sur le pont, je ne puis vous garder. Oh, je suis désolée, mademoiselle. Vous êtes si gentille avec moi. Je vous aime tellement. Mais si je faisais des excuses à Monsieur Ravenel et à mademoiselle Frédérique, je pourrais peut-être... Non. Non, Mercedes, je suis désolée, mais... c'est Monsieur Edouard Edmond lui-même qui a exigé que vous retourniez dans la partie du yacht réservée au personnel. Comment? C'est lui qui... Oh, quel salaud! J'aurais dû m'en douter. L'ordure. Ah, eh bien, puisqu'il en est ainsi, je vais la dire la vérité, moi. C'est Edouard Edmond qui m'a fait rentrer à votre service. Hein? Et la raison? La raison, c'est qu'il n'a pas voulu se séparer de moi. Oui, mademoiselle. Edouard Edmond est mon amant et ça date pas d'hier. Il est fou de moi. Il m'a dans la peau, comme on dit. C'est pour ça qu'il m'a fait rentrer à votre service comme femme de chambre. Femme de chambre! Mais est-ce que j'ai l'air d'une femme de chambre, moi? Mais je suis une danseuse, une gitane, une fille de joie, une pute, si vous aimez mieux. Tout ce qu'on voudra, mais une servante, ça, non? Je vous comprends très bien. Et si ce salopard veut que je revienne avec le personnel, comme il dit? C'est pour m'avoir tout près de lui, pour se glisser le soir dans mon lit plus facilement. Et tous les soirs, il pense qu'à ça, faire l'amour. Tous les soirs. Taisez-vous, vous ne savez plus ce que vous dites. Ah, je sais plus ce que je dis. On voit bien que mademoiselle ne connaît pas la vie. Les hommes, ça pense qu'au sexe. Rien dans la tête. Il suffit que je danse devant eux, que je me trémousse et hop, ils suent tous à grosses gouttes, ils bavent comme des chiens. Un seul geste de ma part, ils arrivent tous, ventre à terre, la queue entre les jambes. Mais demandez dans n'importe quelle bouche de New York ou de San Francisco, Ils connaissent tous la Dorifa. Il suffit que je lève un petit doigt et ils sont tous à mes pieds. Édouard Edmond, plus que les autres. Un cloporte. Voilà ce qu'il est. Un rat. Un sale rat. Mais je vais le faire danser, moi. Il va regretter ce qu'il vient de me faire. Il se souviendra que la Dorifa est vicieuse comme une fille du diable. Oh, calmez-vous, je vous en prie, calmez-vous. Si vous saviez comme moi aussi, je suis triste que vous me quittiez. Je garderai un très bon souvenir de vous, Dorifa. Et puis, tenez, faites-moi plaisir. Je sais que cette petite montre en argent vous a toujours beaucoup plu. Alors, tenez, je vous la donne en souvenir de moi. Oh, oh mademoiselle, je ne suis pas digne de toute votre gentillesse. Je vous ai trompée pourtant, mais je n'oublierai jamais, ça je vous le jure. Et tenez, avant de vous quitter, je vais vous révéler un secret. Écoutez bien mon conseil. Méfiez-vous d'Edouard Edmond et des autres. La plupart des membres de l'équipage de la Revanche font partie de la main rouge. Ainsi, le terrible piège tendu par les lords de la main rouge est prêt à se refermer sur nos amis. Cette fois-ci, y échapperont-ils ? Vous le saurez en écoutant la suite du mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, Cœur de Gitane. C'était Le mystérieux docteur Cornelius, un feuilleton d'Edith Lauria d'après le roman de Gustave Le Rouge. 21e épisode, TSF, avec William Corinne, Pierre Vanek, Marc de Géorgie, Maya Simon, Catherine Rouvel, André Weber, Pierre Constant, Pierre Pernet, Gilles Guillot, Albert Medina, Marianne Épin, Catherine Laborde. Musique du générique Jean Viener, bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon. Collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 25 janvier 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.